sentinelles, guetteurs aux yeux fermés à la frontière du ciel et de la terre, témoins frugal et prophétique. Une épreuve sévère est promise à ton peuple. Tu la devines au plus secret de la lumière trop sereine qui baigne aujourd'hui ces rochers. Prends ta garde, ô guetteur! L'attaque est proche!